Petit homme, tu pleures, je connais ton chagrin. Quelqu'un t'a cassé ta belle auto. Ah, faut pas t'en faire, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Ton ami Jean-Pierre a gagné tes billes. Papa t'en rachètera bientôt. Non, faut pas t'en faire, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Tu as joué au soldat, tu as gagné la bataille. L'ennemi est décimé. Assez de mitraille, range ton canon. Ce soir, la guerre est terminée. La journée s'achève. Plus de stratégie, c'est l'heure où l'on couche les héros. L'heure des beaux rêves, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo, dodo, dodo.